Je sors pas. Tu m'aimes plus, ça y est. Allô? Quoi? T'as entendu Bernard? Oui, oui, oui. Mais faut pas dire ça, Mireille. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai que c'est pas ça. Tu me deviens indifférente, mais ça m'est pas indifférent. J'adore, moi, t'aimer. C'est dans la tête que tout casse. On a mis du temps à s'aimer, à égalité. Et puis, au moment où je te voyais, tous les jours, m'aimer plus, de plus en plus, me rejoindre. C'est là, il y a une musique qui a joué dans ma tête, un refrain. Tu sais combien j'aime quand on s'embrasse. Mais la musique, elle s'est mise à répéter. Qu'est-ce qu'elle fout, celle-là? Qui c'est, ce monstre? Elle se prend pour qui? À me toucher, avec sa bouche. Elle croit me donner du plaisir, là ou quoi? Son haleine pue. Tu sens bon, je le sais, j'adore comment tu sens. Mais je me suis persuadé que tu pues. Des fois, mais c'est plus toi que je vois, si belle. Mais la place que tu prends, debout, assise ou couchée, toute cette place, ton espace vital. Je te regarde et il y a la musique qui fait. J'en veux plus de cette fille-là. Mais je veux pas qu'un autre t'aime, Mireille. Mais je veux plus qu'on m'aime, ça me dégoûte. Quand on parle encore ensemble, je peux plus te prendre au sérieux. Je te parle, je t'écoute, et en même temps je t'observe. Je vois ton enveloppe, et je t'insulte en muet, pour me faire mal. Pour tout de suite après avoir pitié de toi. Aide-moi. Alors je nous déteste. Plus orphelins encore à deux. Qui voudrait de nous? On est gluants ensemble. J'aimerais, moi, revenir comme avant. Arrêter l'espionnage. Ne plus faire la guerre de l'intérieur. À tout à l'heure, petit ange. Je rentre pas tard.